L'homme a une pensée. Se venger du plaisir qu'on lui fait. De là, le mépris pour le comédien. La populace est moins féroce. Elle ne haïssait point Gwynplaine. Elle ne le méprisait pas non plus. Gwynplaine était donc, comme tous les comédiens, applaudi et isolé. Du reste, ici-bas, tout succès est crime et s'expie. Qui a la médaille, a le revers. Pour Gwynplaine, il n'y avait point de revers. En ce sens que les deux côtés de son succès lui agréaient. Il était satisfait de l'applaudissement et content de l'isolement. Par l'applaudissement, il était riche. Par l'isolement, il était heureux. Être riche, dans ses bas-fonds, c'est n'être plus misérable. C'est n'avoir plus de toit à ses vêtements, plus de froid dans son âtre, plus de vide dans son estomac. C'est manger à son appétit et boire à sa soif. C'est avoir tout le nécessaire, y compris un sou, à donner à un pauvre. Cette richesse indigente, suffisante à la liberté, Gwynplaine l'avait. Du côté de l'âme, il était opulent. Il avait l'amour. Que pouvait-il désirer? Il ne désirait rien. Gwynplaine et Dea étaient, nous l'avons déjà montré, la providence l'un de l'autre. Protéger qui vous aime, donner le nécessaire à qui vous donne les étoiles, il n'est rien de plus doux. Gwynplaine avait cette félicité suprême, et il la devait à sa difformité. Cette difformité le faisait supérieur à tout. Tant qu'il y aurait des carrefours, des champs de foire, des routes où aller devant soi, du peuple en bas, du ciel en haut, on serait sûr de vivre. Dea ne manquerait de rien, on aurait l'amour. Gwynplaine n'eût pas changé de visage avec Apollon. Être monstre était pour lui la forme du bonheur. Par moments, il prenait dans ses mains sa tête défigurée et songeait. Oh, si j'étais puissant, comme je viendrais en aide aux malheureux. Mais que suis-je? Un atome? Que puis-je? Rien. Il se trompait. Il pouvait beaucoup pour les malheureux. Il les faisait rire. Et, nous l'avons dit, faire rire, c'est faire oublier. Quel bienfaiteur sur la terre qu'un distributeur d'oubli.